Mais en MP3, je le télécharge ici là. Moi j'ai rien branché. Hein. Je retrouve ce doux métronome. Tic, tic, tic. Et là, c'est bon. Synchronisé. Synchronisé. Mm-hmm.